Merci. Donc, je ne suis pas sûr que ça permette un recul. Au moins, il y aura un décalage. Et c'est dans le décalage, parfois aussi, qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut voir. Alors, je suis arrivé, je m'en excuse, presque à la fin de la première intervention. Donc, je viens juste de prendre connaissance du diaporama qui était là et qui me fait penser qu'on est sur un certain nombre de questions qui sont des questions à certains égards entre ce que vous avez évoqué depuis ce matin et puis les questions de santé environnementale et de reconnaissance de clusters. On est sur un certain nombre de questions comparables et en même temps c'est peut-être dans le regard entre l'un et l'autre qu'on peut aussi faire avancer ou identifier, à défaut de faire avancer, identifier un certain nombre de questions de lieux d'interrogation. Et en écoutant ces débats depuis ce matin, fort intéressant, et ce qu'il y a eu tout à l'heure comme débat, je me suis dit, et je me permettrai, c'est avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a des désaccords. Hein. Et il y a des désaccords qui sont là parce que les uns et les autres, vous ne parlez pas des mêmes places. Il n'y a pas de remise en cause, je crois, des uns et des autres. Je n'ai pas entendu, en tous les cas, de la réalité des maladies, de la réalité des décès. Simplement, dans un cas, dans votre cas de l'entreprise, ce sont des gens que vous connaissez. C'est une réalité qui est la réalité professionnelle dans laquelle vous êtes, avec tous les retentissements que cela peut avoir, de parler aussi de situations de proximité, là où, pour l'épidémiologie, ce sont des cas. Et donc, ça ne veut pas dire, dans l'une et l'autre démarche, qu'on ne parle pas des mêmes choses, qu'on ne parle pas qu'on nie la réalité des uns et des autres, simplement, on ne les appréhende pas de la même façon. De la même manière, ce matin, il y a eu un échange qui était, que j'ai trouvé pour ma part tout à fait intéressant, parce que révélateur de ces situations, c'était à propos du confinement ou non donc de ce produit que je ne connaissais pas. Et dans un cas, donc, on invoque la règle en disant selon toute situation, le produit devrait être confiné. Et vous vous dites, oui, mais il y a des rejets à queue. Quand on a là un certain nombre de choses, on voit de fait que même si les règles sont prises, il n'y a pas confinement. Et là, on a aussi une confrontation entre une expérience, qui est une expérience de terrain, une expérience d'entreprise, une expérience et une connaissance qui est dans ce cadre-là, et puis une connaissance extérieure que l'on retrouve de la même façon, on évoquait cela ce midi, quand on parle, par exemple, dans le secteur des expositions professionnelles, des expositions des agriculteurs aux pesticides. Si les agriculteurs respectent toutes les règles qui sont mises en place pour utiliser les pesticides, normalement, tout se passe bien. Le problème, c'est que les règles, ça les empêche de travailler. Et donc, il y a un certain nombre de situations qui sont des situations qui, pour moi, alors, au-delà, effectivement, des discussions que l'on a et qui font partie des éléments normaux dans un débat, au moins dans une société démocratique, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont importants de ce que j'ai entendu également. C'est une revendication que j'ai entendue ce matin sur la prise en compte de l'expérience locale. L'expérience locale ne le prenez pas comme un terme péjoratif, simplement l'expérience de terrain, l'expérience de gens qui sont dans des situations par rapport à une expertise qui, en tout état de cause, sera une expertise extérieure, et une expertise que l'on qualifie la plupart du temps de mandatée parce qu'elle a un mandat institutionnel. Et là se pose un certain nombre de questions qui sont effectivement des questions réelles, mais qui sont aussi des questions dans lesquelles ce que l'on a vu ce matin, c'est que pour que quelque chose soit dit, quelque chose de dit soit valide, on voit bien que les règles dans lesquelles ces choses sont dites ne sont pas les mêmes. Hein, vous évoquiez ce que Hélène Imbernon disait en disant « Elle ne peut pas dire un certain nombre de choses parce qu'elle appartient à un groupe professionnel dans lequel il y a un certain nombre de règles d'énonciation, de règles de vérité qui ne sont pas les mêmes que quand on se trouve dans un CHSCT ou quand on se trouve dans, dans une logique syndicale. » Ça, c'est la réalité des choses dans lesquelles, à partir desquelles il peut y avoir des débats. Donc la question de la prise en compte de l'expérience pose un certain nombre de grandes questions. Et puis il y a la deuxième question qui a été abordée tout à l'heure, qui est celle des usages sociaux et politiques des rapports par les différents acteurs. On l'a vu, vous l'avez souligné, la direction de cette entreprise a manifestement beaucoup utilisé le rapport pour dire bah, « attendons », parce qu'il n'y a pas effectivement de preuve de l'exposition. Donc derrière, il y a des enjeux qui sont des enjeux sociaux majeurs de responsabilité, de reconnaissance et éventuellement aussi de reconnaissance de la nuisance et de compensation. Donc un certain nombre d'éléments qui sont des éléments majeurs qui renvoient à des rapports de pouvoir, à un enjeu qui est un enjeu proprement politique. Alors, toutes ces questions-là sont des questions auxquelles, quand on travaille sur les questions ce que moi j'ai appelé les signalements de clusters, alors on reviendra peut-être sur ces termes, c'est des questions qu'on retrouve de façon plus ou moins diffuse. Et donc en prenant les questions d'environnement, sur ces clusters de cancers environnementaux, j'espère peut-être contribuer à les regarder un peu autrement, sans pour autant avoir la prétention d'apporter des réponses que je n'ai pas, hein, plus que d'autres, puisqu'on est effectivement dans des débats qui sont des débats sociaux, des débats politiques sur à la fois les dangers, les expositions, les responsabilités des uns et des autres. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est ce que, à un moment donné, on a pu appeler des clusters profanes. Dans le cas de la santé environnementale, donc, les clusters, ça a été présenté depuis ce matin, je rappelle simplement deux, trois termes. C'est bon, des agrégats de pathologies, la plupart du temps c'est des cancers, dans un groupe, je reprends la définition officielle, dans un groupe de personnes, dans une aire géographique donnée, sur une période de temps plus ou moins clairement définie. Alors, quand on parle de clusters profanes, ça veut dire par exemple, pour prendre quelques cas un peu emblématiques, à Saint-Cyr-l'École, à un moment donné, il y a une suspicion, il y a des cancers dans une école, l'école Henri Vallon, et puis à partir de là, donc, il y a une mise en accusation d'antennes de radiotéléphonie mobile. Il y a le cas de Vincennes, sur lequel Henri Pézerat est également intervenu, dans lequel, à partir de quelques cas dans une école primaire. D'ailleurs, il y avait une école maternelle à côté dont on a... Oui, c'est une école maternelle, mais il y avait une école également, une école confessionnelle à côté qui n'a pas été prise en compte. Donc, il y a une suspicion qu'il y a effectivement un surcroît... Il y a une chose, un ensemble de cancers qui est inhabituel. Et donc, il y a une mobilisation qui va se faire dans ce cadre-là. Pour prendre quelques autres exemples, il y a un site de stockage de déchets ultimes, déchets ménagers, déchets industriels. Il y a, à partir d'un moment, donc une population qui va se mobiliser en disant, il y a là, ils évaluaient dans un rayon de 3 km autour, une cinquantaine de cancers. C'est un cas sur lequel j'ai travaillé récemment. Il y a tout un ensemble de cas de ce type. Certains ont été médiatisés, certains le sont beaucoup moins. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'utilise le terme de profane, c'est qu'il y a des suspicions des habitants, des suspicions des habitants sur quelque chose d'inhabituel et sur le fait que cette chose inhabituelle, ces événements de santé inhabituels viendraient d'une de leur environnement de vie et de façon plus précise d'un certain nombre d'installations industrielles ou d'installations techniques. Et lorsque ce type de cas émerge, eh bien, il donne lieu à construction, à élaboration, à diffusion publique. Alors il y a des cas connaissent une vie relativement brève. C'est parmi les derniers que j'ai pu voir près de Carhaix dans le Finistère, où il y a un incinérateur dans le village à côté qui est dans les Côtes d'Armor, ce qui ne facilite pas les choses, très frein. Il y a une suspicion d'une cinquantaine de cancers dans une population de l'ordre de 500 habitants sur un lotissement. Et cela, c'est lié aussi à toute une protestation qui est portée par un acteur local depuis une quinzaine d'années. Ça apparaît à la télévision. Ça avait déjà été présent dans les supports de presse et tout près des vieilles charrues, pour celles et ceux qui connaissent. Donc il y a une amplification médiatique qui existe là. Et ça, donc moi, je l'avais vu apparaître à ce moment-là. Janvier suivant, ça apparaît à la télévision régionale. Le préfet ordonne une première enquête de la CIR qui, en septembre, la cellule interrégionale d'épidémiologie, conclut qu'il n'y a pas d'excès de cancer dans cette population, et puis on n'en entend plus parler. Il y a d'autres cas qui sont des cas beaucoup plus longs. Alors, si j'évoquais tout à l'heure Saint-Cyr l'école, ça commence en 2001, mais il y avait un certain nombre d'interrogations avant. Ça va, l'enquête épidémiologique qui va être faite va conclure en 2005. Je vous dis de mémoire, hein, mais on est sur cet horizon-là. Va conclure, en gros, qu'on ne peut expliquer les cas de cancer que par un aléa, à défaut d'autres explications. Ce qui, évidemment, on le comprend, ne satisfait pas une population qui est convaincue que les antennes ont créé ces problèmes de santé. Entre-temps, pour anticiper les effets délétères que pourrait avoir la publicité de Saint-Cyr l'école sur les trois grands opérateurs de téléphonie mobile, ils ont déplacé les antennes, et donc le problème s'est réglé comme cela, mais pas du tout pour des raisons sanitaires, c'était des raisons qui étaient liées à l'intérêt économique des trois grands opérateurs qui étaient dans un cadre d'implantation d'antennes un peu partout en France, et pour lesquelles une situation comme celle-là était très difficilement gérable au point de vue communication. Voilà. Et sur Vincennes, on est sur une temporalité qui est un peu plus longue, puisqu'on arrive, ça doit dater de mémoire, c'est 2001 également, et puis ça va en gros jusqu'en 2007, avec là tout un travail grâce à l'initiative d'Henri Pézra, qui a sollicité et interrogé le DGS pour faire émerger le problème, parce qu'il avait déjà émergé un petit peu avant via l'inspection d'académie, mais sans réponse. Donc il y a des enquêtes qui sont faites en interaction avec la population, avec un certain nombre d'acteurs locaux. Puis on arrive en 2007 sur une situation dans laquelle il y a une reconnaissance d'un surcroît de cancer, mais dans laquelle, sur les causes, c'est pas abouti. Puis il y a d'autres cas qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Il y a Gilly-sur-Isère, l'incinérateur. Quand on regarde bien, c'est un cas qui a commencé en 1995-96 en vallée de Maurienne, et puis qui s'est terminé de façon dans la scène judiciaire en 2007 ou 2008, après des rapports en 2006 à l'Institut de veille sanitaire. Quant à cette situation que j'évoquais là, d'un centre d'enfouissement technique qui est à Gaël en Ille-et-Vilaine, c'est quelque chose qui dure depuis les années 70 et qui va réapparaître en 2005. Donc il y a des temporalités qui sont des temporalités très, très longues dans lesquelles il y a des suspicions de cancer et dans lesquelles il y a tout un travail de construction du problème. Donc, des cas qui sont très, très différents et qui donc connaissent pour certains un côté médiatique, une prise en compte publique, alors que d'autres vont rester, et je pourrais vous en citer un certain nombre pour avoir un peu systématiquement recherché les choses en Bretagne. À un moment donné, je travaillais à Rennes, donc c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé en Bretagne, en dehors du fait qu'il y avait aussi pas mal de gens qui s'y plaignaient, peut-être plus qu'ailleurs, semble-t-il, de tous ces cancers liés à l'environnement. Donc, on voit qu'il y a des cas également qui vont rester très, très confinés localement. Alors, l'environnement dans ce cadre-là, ça s'entend, c'est une exception, je dirais un peu anthropocentrée, c'est-à-dire ce qui environne les individus, ce qui environne les groupes, donc leur milieu de vie, hein, c'est pas, je sais qu'il y a des débats autour de la notion d'environnement. Moi, je l'approche là. Quand on parle de santé environnementale, on pourrait dire que c'est aussi par opposition à la santé comportementale, si on osait cette distinction. Alors, moi, le propos que je voudrais tenir, c'est de dire que ces signalements de situation et le travail qui est le travail d'expertise que l'on peut trouver sont traversés par des conflits de perspectives. Des conflits qui ne portent pas simplement sur la nature des connaissances qu'ils ont prises en compte, mais aussi sur les modalités de construction des causalités, les modalités d'établissement de la preuve, on l'a assez bien vu, et donc aussi sur des postures, donc entre l'expérience et l'expérience des personnes, des plaignants ou de leur environnement, de ceux qui sont avec eux, et l'expertise. Ces modes de construction, ces conflits de perspectives, ça vient amplifier les tensions et les conflits qui sont liés aux places que les uns peuvent avoir et les autres peuvent avoir. Et donc, on est dans des situations dans lesquelles il y a des désaccords, qui sont des désaccords importants, mais qui ne portent pas sur le sexe des anges, qui portent sur des réalités. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades. Donc, on est là au cœur de sujets qui sont particulièrement sérieux et qui touchent effectivement à la condition humaine. Alors, pour poser la chose au-delà du fait de dire qu'il y a des conflits de perspectives, ce que tout le monde peut dire, hein, je suis allé regarder là, mercredi dernier, j'avais un peu de temps, les recommandations des centres pour le contrôle des maladies à Atlanta. Et c'est le grand centre, les CDC, comme on dit, qui ont un centre pour la santé environnementale et qui ont également tout un ensemble de recommandations. Et je trouve que leur conclusion, elle est intéressante, ou du moins une de leurs conclusions, où ils disent « Les études épidémiologiques ne pouvant que très rarement montrer une claire association avec un contaminant environnemental, hein, et globalement elles ne le montrent pas, pour ça c'est moi qui rajoute, les investigations de clusters de cancer dans les communautés ne fournissent pas les réponses que les communautés attendent. » Communautés, c'est-à-dire les groupes de population. Elles risquent même d'augmenter les craintes et ainsi d'avoir des contre-effets ou des effets induits qui, eux, posent problème. Et donc, ce qui est en jeu, bien sûr, c'est l'attribution de responsabilité, c'est le contrôle des contaminants, c'est aussi une explication de décès de proches, de gens avec qui on peut vivre. Et donc, je crois qu'il me semble, au travers un peu de toutes ces situations, de toutes les situations qu'on peut observer, ces questions ne peuvent pas trouver de réponse par l'épidémiologie, au sens une réponse objective et reconnue institutionnellement. Pour moi, c'est vain d'attendre de l'épidémiologie qu'elle vous apporte des réponses. Mais en même temps, l'épidémiologie est mandatée, vous l'avez dit, effectivement, on la sollicite, et donc, du fait de son mandat, elle est conduite à dire un certain nombre de choses, avec tout un ensemble de précautions, mais comme toutes choses qui sont dites, les choses sont interprétées en fonction des intérêts des uns et des autres, et en même temps, peut-être au travers des procédures de travail de l'épidémiologie, elle peut être conduite à invalider la connaissance locale au nom du mandat qui lui est confié, au nom aussi des règles de production qui vont le caractériser. Hein. Le débat ce matin, faut-il partir de 1960 ou de 1992, je crois. Oui, c'est ça, pour définir un cluster. On voit bien là qu'il y a des règles de production des connaissances, de validation, qui ne sont pas les mêmes. Et dans ce que j'ai vu, le document que vous m'aviez, que je vous ai un petit peu emprunté, dans lequel Henri Pézra contestait effectivement la prise en compte de la période de 1960. Alors, comme toute règle de production des faits, une règle en épidémiologie comme ailleurs, c'est le produit de l'expérience, c'est le produit d'un certain nombre de choix, ce ne sont pas les tables de la vérité, on ne descend pas du Mont Sinaï, hein. Les règles ne sont pas exemptes de critiques, localement, quand effectivement, et ça c'est pour ça que j'étais fasciné par certains éléments du débat ce matin, quand vous parliez effectivement des locaux qui étaient contigus l'un à l'autre, à partir de votre expérience locale, et c'est revenu également à différentes reprises, vous allez dire, mais là, manifestement, les experts qui sont venus à l'extérieur, ils ne connaissent pas la situation, parce qu'effectivement, ils n'ont pas été localement. Donc, on a, si vous voulez, une question qui est une question de connaissance, et puis comme elle s'inscrit dans des rapports de pouvoir, hein, là il y a un mandat, il y a une saisine, cette question de connaissance elle est transformée en enjeu de pouvoir et de légitimité, et puis on reste avec ça, et ça ne permet pas, me semble-t-il, d'avancer, sauf, et c'est ce qu'on retrouve dans le CDC d'Atlanta, de dire en gros on transforme la question en problème de communication. En disant, les gens, ils ne savent pas, l'épidémiologie a un certain nombre de préoccupations, donc on va apprendre aux gens comment faire de l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'on attend effectivement de gens localement qui soient des épidémiologistes ou des épidémiologues, comme de l'autre côté, localement, les plaignants attendent aussi que les épidémiologistes soient des gens locaux et qu'ils aient la même connaissance que. Donc on se retrouve avec, avec des problèmes qui sont des problèmes de désaccords qui sont importants et qui en fait vont en s'amplifiant. On attend de l'autre qu'il se comporte comme soi-même, autrement dit, pour le dire assez brutalement. Donc la question à partir de là, une fois qu'on fait un constat de ce type, c'est de se poser dans ce type de situation la question de savoir qui est la connaissance qui est produite dans une forme d'expertise. Comment peut-elle prendre en compte l'expérience, jusqu'à où, jusqu'à, et pourquoi en faire. Donc c'est toutes ces questions-là un petit peu qui sont des questions sous-jacentes que, évidemment, auxquelles je ne répondrai pas, parce que quand je dis je ne répondrai pas, j'ai un certain nombre d'orientations quand même, de réponses qui posent la question des modes de travail de l'expertise épidémiologique. Autrement dit, des modes de travail, c'est-à-dire l'association entre une expertise avec ses règles et une expérience qui est une expérience des acteurs de terrain. Alors pour aborder cela, et rester dans le temps effectivement qui nous est proposé ici, je voudrais dans un premier temps peut-être, mais ça avec un regard de sociologue, alors sociologue de terrain très qualitatif, c'est-à-dire un peu comme l'ethnographe, on va regarder, on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent. Il y avait une question qui était posée, mais que je ne retrouve plus. Si, c'est la question du dernier paragraphe. Qui signale, qui valide, à partir de quelles données? Et donc là, ce que je me propose, c'est de prendre un peu les cas que je vous ai évoqués. Essayer de voir comment un signalement va prendre forme, et puis dans un deuxième temps, donc de voir effectivement quand ce signalement local est confronté à l'expertise épidémiologique, qu'est-ce qui se passe. Alors, ma base de travail, je vous ai dit, c'est un certain nombre de signalements que avec des collègues, nous avons étudié Saint-Cyr, Vincennes. On avait pris également un incinérateur dans le Morbihan, qui était à Nivillac. Et puis ça, ça a été une première phase. Et puis dans une deuxième phase de recherche, la première était financée par l'ADEME. Et la deuxième était financée par l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, environnement, travail, mais financée comme de la recherche dans un laboratoire de recherche CNRS et université. Donc la deuxième, on a pris des objets mous, si je puis parler ainsi, c'est-à-dire des situations dans lesquelles parfois on savait, parce qu'à Rennes, on savait qu'il y avait des rumeurs sur telle situation relative à l'incinérateur. On a pris donc des objets mal formés, c'est-à-dire tout un ensemble de cas qui ne sont jamais arrivés véritablement, sauf dans la presse locale, jusqu'à un espace public. Et on a essayé de comprendre comment tout ça s'apprenait. Parce que quand on regarde effectivement des cas comme Saint-Cyr l'école ou Vincennes, quand on arrive après, ils sont déjà constitués. Or, quel est le processus qui fait que dans certains cas, ça, un signalement se développe et dans d'autres pas. Et là, donc, on a fait. Alors, ce qui est intéressant, en écoutant Anité Beaumoni tout à l'heure, il y avait une chronologie, et de temps en temps, c'est extrêmement intéressant d'avoir des chronologies. On a retrouvé ou travaillé sur la chronologie aussi de toutes ces situations. À l'origine, il y a de ces signalements, il y a des événements ou un événement atypique. Un événement atypique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans l'ordre normal ou l'ordre habituel des choses. C'est le décès d'un proche dans certains cas. C'est deux enfants, l'un à la suite de l'autre, qui vont décéder. Et puis ça va se savoir dans le voisinage. Donc des événements, un événement parfois on arrive à bien l'identifier, dans d'autres cas beaucoup moins. Un événement atypique qui rompt avec l'ordre habituel des choses. Et puis, il y a des individus qui vont, ou des acteurs qui vont les relier à d'autres informations dont ils disposent. Dans les cas de Vincennes et de Saint-Cyr l'école, la première personne à avoir relayé l'information, c'était la directrice de l'école, qui, dans un cas, était nouvelle. Et c'est étonné quand on lui a dit « Ah bah tiens, c'est encore un autre cas de cancer d'enfant. » Et donc ils vont s'inquiéter, alors qu'ils se sont inquiétés auprès des autorités. Justement, à Vincennes, l'inspection d'académie n'a pas donné suite. C'est là qu'après, il y a eu, comme l'Andeva, hein, l'association des victimes de l'amiante, était juste à côté des choses. On peut penser, mais là, j'ai plus souvenir exactement de la façon dont ça s'est passé, que d'autres personnes, dont Henri Pézra, s'en sont saisies. Et donc cette information-là, elle est relayée dans le cas de Saint-Cyr l'école. C'était trois femmes à la sortie de l'école. Donc dans ce groupe, vous savez, de gens, hommes et femmes, qui vont chercher leurs enfants à l'école, mais qui, elles, déjà, pour d'autres raisons, en 99, on était en 2001, s'étaient préoccupées des ondes magnétiques. Elles avaient été, il y avait eu une session qui avait été tenue au Sénat, et donc elles y étaient allées, elles avaient cette préoccupation-là, et c'est à ce moment-là qu'elles ont dit, mais oui, s'il y a des cancers, l'association avec les antennes qui sont sur le toit de l'école, elle est présente, alors que jusqu'alors elle voyait ses antennes un peu de façon routinière, sans trop s'en préoccuper. Dans un autre cas, Nivillac, c'est l'ambulancier qui transportait le patron donc de la compagnie d'ambulance qui transportait tous les malades. Nivillac, c'est près de la Roche-Bernard, donc entre la Vilaine et les marais de Guérande. Et donc il y a une compagnie de transport sanitaire, les centres anticancéreux, c'est Vannes, c'est Nantes et c'est Saint-Nazaire. Et donc c'est lui qui transportait les personnes. À un moment, juste après le décès de sa cousine, il commence à s'interroger en disant « j'en transporte quand même beaucoup ». Et puis lui-même est atteint d'un cancer, un lymphome. Donc là, on a une situation de ce type. Dans un autre cas, donc des acteurs qui vont relayer cette situation. Dans un autre cas, c'est un, un conseiller municipal en retraite, opposé à son maire dans le cadre d'un projet d'aménagement, et sa fille qui est médecin, qui à un moment donné se disent effectivement qu'il y a beaucoup de cancers dans leur environnement. Et ces acteurs-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent de changer de cadre de référence pour penser l'environnement. C'est-à-dire qu'ils vont regarder effectivement ce qui les entoure en se disant les cancers, ils ne viennent pas par hasard, ils trouvent pour différentes raisons et souvent des raisons démographiques. On est dans des réseaux d'âge dans lesquels, effectivement, quand on approche 60 ans, pour prendre le dernier, la probabilité que les gens qui ont son âge ou des générations donc plus âgées aient des cancers, elle est plus grande que quand on a 20 ans, pour des raisons qui sont des raisons liées à la diffusion globale des cancers, indépendamment de causalité. Donc, on a effectivement des personnes qui, pour différentes raisons, en deviennent sensibles et vont se retourner vers leur environnement. C'est-à-dire que là, ils vont, par rapport, on l'a entendu ce matin, la vulgate normale ou courante, pardon, pas normale, la vulgate courante concernant les cancers, c'est les facteurs de risque comportementaux. On sait sur un certain nombre de cancers que l'explication globale, c'est s'il y a un développement de cancer, ça tient aux conduites, je pense en particulier au cancer des voies aérodigestives supérieures. Et donc là, ces événements, ces situations, elles ne rentrent pas dans les cadres courants à partir desquels on appréhende le cancer. Et ça, dans les entretiens qu'on a pu faire, y compris avec des personnes âgées. Alors pour les enfants, ça pose pas, c'est tellement évident, pour les personnes âgées, c'était toujours la situation, mais on prend tel cas, mais elle ne répond pas aux représentations courantes qu'on a des cancers. Donc, il y a problème. Et s'il y a problème, et si ce n'est pas des cancers qui sont liés aux conduites des individus, à facteurs de risque, comme on le dit dans l'interprétation courante, n'y voyez pas une interprétation épidémiologique, eh bien, c'est donc que les causes sont ailleurs. Les causes sont ailleurs, et si les causes sont ailleurs, c'est dans l'environnement. Et c'est à partir de là que les personnes vont s'interroger sur leur environnement et vont, dans certains cas, dans l'un, dire « mais il y a des antennes de radiotéléphonie mobile ». Or, on sait que ces antennes peuvent avoir des effets en matière de santé. Nous sommes dans un ancien site Kodak à Vincennes. Est-ce que ça a été bien dépollué? Et puis avec tout à l'époque la question de la nappe phréatique qui monte, qui descend, ça c'est une thématique que l'on retrouve également. Dans le cas de Gaël, on dit oui, mais c'est un endroit à partir duquel dans les années 70, il y a eu des épidémies de fièvre aphteuse, on y a mis des vaches, il y a eu des destructions à l'hôpital, on y a mis des déchets, on ne sait pas trop quand, il y a eu des émanations, il y a eu des poissons morts dans les étangs. Donc toute une mémoire de problèmes environnementaux, une mémoire, et ça je pense que par rapport à des situations d'entreprise, il y a peut-être là aussi peut-être des parallèles qu'on peut faire, il y a une mémoire donc d'un certain nombre de problèmes qui va émerger et qui va donner corps à l'idée que la cause est environnementale. Elle vient de leur environnement. C'est à partir de tous ces éléments. Et donc, à peu près partout, et même le cas de Gilly-sur-Isère qui a été assez fortement médiatisé, dès 1995, il y a des plaintes. Et en fait, là où le moment où ça va basculer, il y a l'enquête qui est faite par un maire sur les forts taux de dioxine dans sa commune, qui va faire basculer. Et puis le deuxième basculement, mais qui va être national, lui, c'est une émission d'envoyé spécial d'une demi-heure qui va effectivement parler des cancers de la vallée de la Maurienne avec une mise en scène qui est tout à fait singulière sur la chose. Mais chaque fois, c'est des problèmes qui n'ont pas été des problèmes de pollution, des problèmes d'environnement, la plupart du temps, je dirais pas chaque fois, plupart du temps, c'est dans ce qu'on a pu observer. C'est pour ça que la question des antennes relais au niveau de la téléphonie mobile, c'est bien plus récent. Mais il y avait des problèmes latents. Des problèmes latents et ces situations de proches qui décèdent vont permettre effectivement de faire émerger ces problèmes qui n'arrivent pas à trouver un langage pour être exprimés par ailleurs. Et l'autre chose alors qui permet ce type de situation, c'est sans doute une différence avec un certain nombre de situations, peut-être la vôtre, je ne la connais pas pour pouvoir le dire, mais dans tous les endroits où effectivement j'ai pu travailler sur l'émergence de ces plaintes, il y avait les tissus d'interdépendance entre le pollueur et les pollués étaient très lâches. Autrement dit, c'est pas l'employeur et les employés, hein, c'est pas la compagnie et les employés de cette compagnie. On est entre les opérateurs de téléphonie mobile et les parents d'élèves, il n'y a pas d'interaction. Autrement dit, si les parents se mobilisent, ça va pas avoir, il n'y aura pas d'effet de retour, d'effet de rétorsion sur eux. Dans le cas effectivement du centre de déchets, c'est des gens en retraite qui ont un rapport très différent. Certains étaient agriculteurs auparavant, un rapport très différent à l'espace. Et s'ils protestent, il n'y a pas d'effet. S'ils protestent, y compris contre le syndicat intercommunal qui gère le centre de déchets, donc il n'y a pas pas ces contraintes qui sont les contraintes liées en partie des contrats à des contrats de travail ou à des situations d'interdépendance. Et donc, une fois ces éléments-là posés, vous me pardonnerez, je vais un peu vite, mais il faut aussi pouvoir présenter l'ensemble des choses. Il y a un noyau, ce qu'on voit à peu près dans toutes ces situations, c'est un noyau effectivement de personnes qui va avoir cette conviction qu'il y a un problème et qui va la porter, qui va porter cette suspicion, pour le dire vite, par les réseaux d'interconnaissance, pour diffuser la préoccupation à Saint-Cyr l'école. À Saint-Cyr l'école, ça a diffusé parce qu'on est sur le plateau de Saint-Cyr, dans lequel il y a des associations qui se sont bagarrées pour la défense de l'environnement contre la A80, la transversale, la transilienne, donc qui va relier l'autoroute de Normandie et je ne sais plus laquelle. Donc on est dans des réseaux dans lesquels il y a aussi c'est l'école du plateau. Et dans cette école-là, il y a les réseaux, les familles, les parents, les grands-parents. Donc il y a tout un ensemble de situations qui vont permettre réseaux de voisinage, réseaux de parenté, voire des réseaux de mobilisation pour la qualité environnementale qui vont permettre d'étendre les suspicions. Le centre d'enfouissement technique que j'évoquais tout à l'heure est très différent à ce titre-là. Il est tout proche d'une forêt qui est la forêt de Brocéliande, hein, la forêt dite du roi Arthur. Enfin, c'est pas vrai, hein, c'est une implantation qui date de 1825 à peu près. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir pour effet de mobiliser dans les réseaux d'information parisiens tout un ensemble d'acteurs qui font œuvre de distinction culturelle en se référant à la terre légendaire du roi Arthur, comme ça a été le cas par exemple récemment dans le Point. Résultat, il y aura dans les télévisions, il y aura des programmes là-dessus. Il y a une heure à France Culture consacrée à cette situation. Bref, une amplification médiatique qui est extrêmement importante, mais qui oublie là les cancers. C'est l'atteinte au patrimoine légendaire et les gens locaux sont en train de dire « oui, mais il y a des cancers ». Et donc on voit que l'extension des suspicions peut se révéler aussi assez ambiguë. L'extension des suspicions fait que on a une procédure de collecte d'informations. Hein, les personnes vont rassembler des données qui sont des données individuelles. Alors on utilise par exemple sur les antennes de radiotéléphonie questionnaire qui est le questionnaire que Roger Santini a pu faire sur les troubles de santé. Donc on vient au travers d'un certain nombre de de méthodologies qui sont l'objet d'une critique de l'épidémiologie parce qu'ils ne respectent pas les règles de construction des connaissances dans l'épidémiologie, mais on vient à la fois développer, produire des connaissances, développer les connaissances, produire des connaissances, donner aussi le sentiment que des situations qui sont des situations privées, hein, des cancers, c'est perçu éventuellement de façon privée, des troubles de la mémoire aussi, donc que ces situations privées deviennent une situation collective. Et ça, ce passage, il est extrêmement important parce qu'il y a des malades, il y a des morts, et le rassemblement des données dans une population fait que ces événements de santé individuelle deviennent une exposition collective à des risques. Autrement dit, c'est plus un hasard de quelques personnes qui sont touchées, quelles qu'en soient les raisons, c'est toute une population qui est confrontée à ces risques. Et donc, on a effectivement dans ce cadre-là, on a la construction d'un problème qui prend de l'ampleur. Alors, qu'est-ce qui, pour les enquêtes que j'ai faites, qu'est-ce qui a favorisé cela ? Bon, d'une part, on est dans un certain nombre de cas sur des populations vieillissante, ce qui veut dire aussi qu'il y a une amplification de l'importance perçue des pathologies. Parce que, effectivement, ce sont des gens d'une même catégorie d'âge qui sont marqués par les pathologies du cancer. Ou alors, de l'autre côté, on a effectivement la préoccupation pour l'enfance et la petite enfance. Inutile de souligner combien la préoccupation pour l'enfance est devenue une cause publique majeure que l'on voit y compris dans des manifestations comme dimanche dernier, mais au plan national on est effectivement sur des situations qui de point de vue culturel permettent l'ampleur ou l'amplification des préoccupations. Ce que l'on observe aussi, c'est des personnes qui vont collecter des informations sur les nuisances et leurs effets sanitaires sur Internet, PubMed et des ressources documentaires de différents ordres, alors qui sont extrêmement importants. Donc on a affaire à des gens qui vont, de façon inductive, se former, qui peuvent, dans certains cas, devenir des spécialistes de la dioxine, spécialistes documentaires, j'entends, c'est-à-dire une construction de données qui est progressive et qui vont rechercher des certifications auprès de différents réseaux d'experts. Alors, il y a des experts qui sont très très différents. La plupart d'entre eux, de ces experts plutôt, ne sont pas dans les courants principaux de recherche. Ce sont souvent des experts qui sont dissidents par rapport à leur discipline. Alors vous en connaissez quelques-uns, Belpomme, le professeur Belpomme, à un moment, donc, qui est appelé comme expert, Pierre Leruse sur les antennes de radio-téléphonie, ou alors il y avait un autre à Rennes également, qui était Claude Lenné. On en retrouve quelques-uns qui vont certifier les situations, et quand on parlait tout à l'heure de controverses, effectivement, ils sont eux aussi des acteurs de la controverse, parce que la controverse, ça n'est pas uniquement au niveau des entreprises, elle est aussi à l'intérieur du monde scientifique. Alors, quand on arrive là, quel type de connaissances on a localement ? On a des connaissances qui sont ancrées dans l'expérience, et dans l'expérience qui est l'expérience locale, et qui vont monter en généralité, à partir soit d'expérience personnelle, de la capacité, par exemple, à aller chercher sur Internet. On est sur des compétences qui sont induites. Il y a des transferts d'expérience, il y a des transferts de modes de raisonnement. Il y a des scientifiques, donc, dans certains domaines, qui vont appliquer leur raisonnement à d'autres. Donc, on a une production de connaissances avec déjà une bonne connaissance locale, une expertise qui peut être documentaire, mais qui, parce qu'elle n'obéit pas à un certain nombre de règles, n'est pas forcément, et la plupart du temps, n'est pas reconnue par les experts mandatés. On a aussi une expérience émotionnelle. une expérience émotionnelle qui va permettre effectivement aussi de renforcer, de donner une valeur aux connaissances. Quand vous êtes à Saint-Cyr l'école et que c'est les enfants de la personne que vous connaissez, c'est son fils qui est décédé d'un cancer, ou quand telle et telle personne, moi je me souviens d'entretiens dans lequel ce que je faisais à Gaël en particulier, où on commençait par me livrer la liste des gens qui étaient morts et qui étaient leurs connaissances. Donc il y a une dimension émotionnelle extrêmement forte qui va aussi ancrer la connaissance locale. Ce qui ne la valide pas, hein, ce qui lui donne une valeur, de la même façon que quand vous avez évoqué des décès tout à l'heure, il y a sûrement des personnes qui vous étaient proches et à qui vous avez pensé en parlant de ces choses. Ça n'invalide absolument pas la connaissance, ça lui donne une valeur qui est une valeur importante inscrite dans l'expérience. Et puis, c'est une connaissance qui est également, j'oserais dire, encastré. Vous vous souvenez du terme embedded à propos des journalistes qui allaient dans l'armée américaine au Moyen-Orient. C'est un peu ce terme-là que j'utiliserais. Une connaissance qui est encastrée dans des réseaux sociaux. Les réseaux de voisinage et de mobilisation. Et on voit dans ce cadre-là combien la structure des réseaux a permis effectivement de recueillir de l'information. À Gaël, s'il y a eu une information documentée sur 50 cas dans un rayon de 3 km, c'est parce que les réseaux de voisinage et de parenté ont fonctionné. Et dans un premier temps, je pensais moi que c'était des réseaux de voisinage, puis après en retravaillant avec des gens, j'ai retrouvé des réseaux de parenté très très forts. À Vincennes, effectivement, par l'intermédiaire d'Henri Pézerat, on est passé sur la DGS. À Saint-Cyr, l'école, il y avait deux personnes qui étaient très liées aux compagnies de télévision, l'une étant l'épouse de quelqu'un que vous connaissez sans aucun doute. Et donc, dans ce... Mais que je ne vous dirai pas qui. Si vous regardez la télévision, en tous les cas, d'un humoriste. Donc il y a eu un accès, si vous voulez, dans ce cas-là, il y a eu un accès de cette situation dans la Maurienne. Donc on a retrouvé aussi par l'amplification de ce type. À Niviac, le cas que j'évoquais, donc d'un incinérateur, c'est quelqu'un qui avait ses entrées au Figaro. Et donc le Figaro a porté la revendication quant à Gaël. Je vous ai dit, Brocéliande, c'était... le roi Arthur. Non, mais tous ces gens-là, parce qu'il y a toute une partie de gens avec un capital culturel important. Et donc, on a effectivement là un ancrage, une validation de connaissances qui est liée à des réseaux, à l'accès à des réseaux, qui explique que certains cas n'apparaissent pas. Et donc, ce point, pardonnez-moi, est tout à fait intéressant. Parce que, justement, c'est pas une connaissance, c'est une connaissance qui vient de l'expérience, qui vient des réseaux, et qui essaie d'accéder à un degré de généralité. Et c'est là que la connaissance épidémiologique, elle vient d'un autre point de vue. D'abord d'un mandat, avec dans la mesure où elle est sollicitée, elle vient avec un mandat, et elle vient avec un certain nombre d'approches, de catégories, que vous avez pu voir ce matin, qui sont d'un autre ordre. Et donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu extrêmement important. Alors, tous les cas ne deviennent pas des cas publics. Il y a un certain nombre de cas qui vont émerger. Ça va dépendre beaucoup d'un certain nombre de circonstances locales, de la réceptivité publique et médiatique relative aux problèmes posés. J'évoquais en tout début le cas de Tréfrin, donc, qui est sous le vent de l'incinérateur de Carhaix, donc là les vieilles charrues. C'est cette personne depuis 15 ans, effectivement, réagite le problème de la vallée de la mort, comme il l'appelait, et insiste chaque fois. Au moment où Sarkozy fait son discours sur les Roms, il y a des Roms qui viennent s'installer là, et donc lui va prendre la campagne en disant « Je défends les Roms qui sont exposés ». Alors ils sont là pour quelques jours, ils sont exposés, une exposition. Enfin, il y a toute une situation qui est une amplification qui tient pour certains à de la perdurance, hein, et qui tient aussi au fait qu'à un moment donné, les autorités publiques sont interpellées et ces autorités publiques vont éventuellement solliciter ou ne pas solliciter la CIR. Donc il y a la prise en compte ou la mise en œuvre d'une expertise, c'est pas forcément parce qu'il y a un signalement qu'il y aura cette expertise. Pour prendre un autre exemple que j'évoquais en aparté ce matin, c'est Mortagne-au-Perche. Là, il y a 4 décès d'enfants dans une école primaire. C'est aussi un cas sur lequel Henri Pesra avait eu l'occasion d'écrire un certain nombre de choses. On est dans la période vache folle, dans la période dans laquelle il y a un incinérateur donc réduit les vaches folles, les vaches en poussière, en farine animale. Hein. Et je vais à la CIR ouest à Rennes. Et puis, j'avais mis 3 mois pour avoir un rendez-vous. Et puis, je vois la personne qui s'est occupée de ce cas-là. Bon, moi, j'étais pour autre chose, mais en même temps, ça m'intéressait. Et donc, on prend le temps d'en parler. Et il me dit, écoutez, là, c'est une erreur d'un stagiaire. On n'aurait jamais dû faire cette évaluation-là. On a perdu du temps. C'est une erreur de stagiaire. Point. Stagiaire, donc, d'épidémiologie. Qui s'est monté la tête. Alors, une façon, moi, qui m'a quelque peu interpellé, parce que je me suis dit, voilà quelqu'un, globalement, les routines administratives, on était dans la DRAS, font que, globalement, il y a une dissonance, et que cette dissonance-là, on peut la régler en refusant aussi de traiter le problème. Je ne suis pas allé plus loin, je ne dirai rien, parce qu'il y a eu des débats autour, rien d'autre du moins, il y a eu des débats autour de Mortagne-au-Perche, simplement pour dire, effectivement, l'émergence d'une expertise épidémiologique, ça ne découle pas logiquement de la nature ou de l'ampleur du problème, ça découle aussi de sa cristallisation d'inquiétude, ça découle également de l'amplification la question peut avoir. Et donc, il peut y avoir un premier niveau d'examen des plaintes qui est fait. Et par exemple, dans le cas de Gaël, donc ce centre d'enfouissement technique, donc il y avait une suspicion dont je vous ai parlé. C'est monté auprès des maires du maire de l'autre commune à côté, qui s'est adressé au président du syndicat intercommunal en disant. Nous, il nous semble qu'il y a un surcroît de cancer, lequel s'est retourné vers la préfecture. La préfecture, c'est chez des maires, hein, maires ruraux, donc en limite de département, dans un contexte dans lequel cet endroit était appelé à être un endroit majeur dans le plan d'élimination des déchets au plan départemental. Et donc, la CIR est sollicitée. La CIR va reprendre, donc cellule d'épidémiologie, reprend les données locales, fait... un examen que moi je considère très superficiel au travers des documents que j'ai vus pour juger de l'absence de plausibilité au regard des critères habituels de l'épidémiologie. Mais en gros, la personne de la cellule interrégionale d'épidémiologie, elle a regardé, elle a dit de toute façon les gens se sont trompés. On ne peut pas faire confiance aux gens dans leur collecte de données. Or, les maires, donc le maire et les adjoints, qui avaient fait un travail de maison en maison, qui avaient pris le soin d'éliminer certains cas, ils avaient dit « on a une maison de vieux, on va les laisser de côté », qui avaient fait un travail que eux pensaient au regard des représentations qu'ils ont, un travail exemplaire en disant « c'est sûrement pas très bon ». Mais on a essayé de faire au mieux. Il y a d'un trait de plume quelqu'un qui dit « de toute façon, ils ne sont pas fiables », sans argumenter. Donc là, on est effectivement dans un conflit qui est un conflit majeur et dans lequel, bien évidemment, les questions de la validité vont se poser. Et donc, on est, si vous voulez, dans des enjeux qui sont de posture, moi ce que je qualifierais de posture institutionnelle. Alors, il y a des études qui sont des études beaucoup plus approfondies, celle de Saint-Cyr-l'École, celle de Vincennes. Donc là aussi, c'était des cas d'enfants, donc on voit l'amplification médiatique que cela peut avoir, les effets au niveau de la population. Et puis, un problème, si vous voulez, dans les autres camps, on peut dire, ben, ils sont vieux, ils meurent. Et dans ce cas-là, on a des enfants dans le contexte actuel. Ça a une résonance beaucoup plus grande. Mais ces situations, tout en reconnaissant dans un cas qui avait effectivement un excès de cancer, ne sont pas arrivées à des conclusions que la population... que la population attendait. Et c'est le dernier point, si vous m'accordez 5 minutes encore. Donc, qu'est-ce qui se joue là? Les populations locales, qui se mobilisent, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une validation de la construction du problème qu'ils ont créé. Ils attendent que l'épidémiologie vienne leur dire « oui, vous avez raison » ou peut-être pas totalement, mais ils attendent effectivement que la préoccupation qui les anime, et non seulement la préoccupation, parce que la préoccupation elle est soutenue par un groupe de gens qui ont passé du temps, pour certains, et des tensions familiales extrêmement importantes, donc des gens qui se sont engagés, et donc les réponses qui leur sont données, et qui, du point de vue de l'épidémiologie, sont tout à fait fondées, bien, elles remettent en cause non pas simplement la connaissance qu'ils ont des situations, mais leur engagement dans une cause, des choix biographiques qu'ils ont pu faire. On a eu une personne, par exemple, à Saint-Cyr-l'École, des trois, il y a une qui s'est engagée dans Robin des Toits, ça a été très difficile par la suite, il y a des divorces, c'est des situations qui ne sont pas anodines. À d'autres moments, elles avaient retiré leurs enfants de l'école pour aller les mettre dans une autre école, vous imaginez tout le retentissement que cela peut avoir. Donc, il y a ce type de situation qui existe avec un certain nombre d'arguments. Toute discipline scientifique a son langage qui est ésotérique pour les autres. Hein. Les CIR, là, les ratios standardisés, si on ne connaît pas la chose, le tableau que vous avez présenté ce matin, c'est ésotérique quand on ne connaît pas. Ça fait partie de toute discipline scientifique, même la sociologie, où on utilise un certain nombre de mots du langage commun. On a aussi notre ésotérisme. Donc on a des concepts, on a des méthodes d'analyse, si vous voulez, et les méthodes d'analyse de l'épidémiologie, c'est pas un scoop, vous le savez, rompent avec les cadres communs d'expérience, avec la façon dont les acteurs locaux ont construit leur expérience. Un exemple simple sur Saint-Cyr-l'École. Donc sur Saint-Cyr, les gens ont dit, voilà, il faut aller chercher dans tel et tel endroit, Saint-Cyr-l'École, il y a le chemin de fer qui va vers Avranches et Brest, et puis il y a le plateau, donc l'école était sur le plateau, il y a l'autre partie de la ville. Donc les gens sont partis chercher effectivement les cas en fonction de la localisation des antennes, et l'expertise épidémiologique a pris une subdivision de l'INSEE, donc une subdivision au niveau du territoire, qui est la seule sur laquelle ils pouvaient avoir des données fiables, qui ne renvoie en rien à l'expérience des personnes. Donc on voit là que la constitution, le problème, faut-il partir de 1960 ou 92 ou 1992, c'est un problème qui se pose partout en fonction d'un certain nombre de règles, en fonction aussi des données qui sont des données accessibles. Donc une approche épidémiologique qui obéit à des contraintes de construction des données et non pas aux catégories d'observation intuitive. Hein. Il y a un certain nombre de règles qui sont des règles de validation. On a eu des exemples ce matin. Et donc, les modalités de traitement des données, comme pour reprendre ce que disaient les CDC, globalement, on n'arrive pas à montrer. Donc, de fait, c'est une invalidation des connaissances qui sont fondées sur l'expérience. Et donc, le problème, effectivement, de production de connaissances, c'est celui-là, globalement. Alors, quelles ouvertures? Mais ça sera pour une autre fois, dans un mois, c'est ça? Non, parce que je dois aller en discuter avec les gens de l'INVS. Le problème, il y a des ouvertures. Moi, il me semble qu'une des ouvertures possibles, c'est... Alors, ça a été malheureusement, moi j'ai essayé d'utiliser ce terme-là et d'autres aussi, et il est mal compris. Donc, quand un terme est mal compris ou mal reçu par certains, c'est qu'il est mauvais. C'est ce qu'on avait appelé l'épidémiologie populaire. C'est-à-dire... l'association dans la définition des problèmes, dans la collecte de données, dans la définition des aires de travail, et y compris dans l'explication, l'association des populations concernées pour produire de la connaissance, pour aussi, surtout, comprendre les limites d'un type de connaissance qui est fait. Alors, c'est des orientations qui avaient été préconisées par rapport à des implantations d'entreprises, c'était en Amazonie, me semble-t-il, les travaux qui ont été faits, qui sont dans Social Science and Medicine, il y a des collègues qui sont là, mais qui réfléchissent effectivement sur cette association. Ce qui veut dire que l'expertise épidémiologique, elle ne peut pas être simplement une expertise dehors, avec des personnes qui sont extérieures, mais elle est aussi un processus, me semble-t-il. Alors là, je vais prêcher pour notre chapelle de sciences humaines et sociales, un processus associant les populations et trouvant des moyens d'associer les populations. Et pour moi, je dirais, c'est aussi dans le cadre de ce type d'enquête l'expression même d'une forme d'approche démocratique de la production de connaissances. Voilà ce que je voulais, pardonnez-moi, quelques mots vous dire, vous proposer comme... Merci beaucoup. On peut ouvrir le débat s'il y a des questions, des interventions. Oui. Oui. Christophe Perret, je n'ai pas changé depuis tout à l'heure. Donc pour dire que, en tout cas... faire part de mon expérience au niveau du département santé-environnement, on ne peut plus dire véritablement qu'il y a une disjonction entre production d'un savoir épidémiologique d'un côté et puis savoir expérientiel des populations de l'autre. On cherche depuis maintenant plusieurs années à faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre ces deux mondes. Et cette rencontre entre ces deux mondes se fait à travers deux choses. La première, c'est quand on répond à une sollicitation locale, on essaye à chaque fois de mettre en place un comité de concertation. Alors, c'est-à-dire, ces comités de concertation sont dysfonctionnels parfois, mais j'essaye actuellement d'en faire un peu un bilan. Parfois, il y a une véritable rencontre entre le milieu associatif, le milieu des élus locaux, les épidémiologistes professionnels, et il y a un véritable débat. Et ce débat, il porte... aussi bien sur la construction même de l'étude épidémiologique, hein, j'ai vu sur un site des associatifs discuter avec des épidémiologistes, est-ce qu'il faut faire une étude sur un rond 15 km, est-ce qu'il faut prendre en compte les vents dominants pour mieux connaître où se déposent les rejets de substances radioactives. Donc il y a des vrais débats, et les épidémiologistes doivent répondre à ce savoir de la population et dire ben non, si nous on prend un rayon de 15 km, il y a des raisons. Donc il y a une véritable argumentation qui est développée dans le cadre de ces comités de concertation. Alors, qui peuvent être améliorés, c'est évident. Et voilà, première chose. Deuxième chose, on cherche aussi de plus en plus à développer ce qu'on appelle les méthodes mixtes. C'est-à-dire à côté des études quantitatives telles qu'on en a vu un exemple tout à l'heure, on cherche à développer des études plus qualitatives, par observation, en allant sur le terrain, en recueillant le savoir des acteurs locaux et en cherchant à faire en sorte qu'ils croisent le savoir épidémiologique, aussi bien en amont de l'étude, pendant l'étude, qu'en aval de l'étude. Donc voilà, tout ça pour apporter une petite note optimiste, les choses bougent, les choses se transforment, et on essaye de prendre en compte ce savoir et cette expérience locale. Mais je reconnais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, Moi-même, je vois, je lutte au niveau de mon institution pour que ça se passe le mieux possible. Mais ça bouge. Voilà. J'avais juste une petite remarque sur le fait que moi, il me semble qu'en milieu professionnel, aucune étude, enfin aucun travail épidémiologique d'investigation ne peut se faire sans un minimum de concertation entre ceux qui sont responsables de l'étude et ceux qui et les gens de terrain. Enfin, Yuriko en a pas parlé ce matin, mais ça a été l'exemple dont il s'agit là aujourd'hui. Il y a eu un gros travail de concertation avec les salariés de l'entreprise ou leurs représentants pour ce qui concerne la reconstitution des expositions auxquelles les professions étaient exposées et l'évolution dans le temps. Et ça, c'est pas du tout un regard extérieur qui est venu le dire, parce que le regard extérieur, il savait rien. Enfin, donc là, il y avait vraiment un besoin de... Donc c'est pour ça que ces groupes de travail là, avec les salariés, des anciens salariés, dont des représentants des CHS d'ailleurs, ils sont aussi partie prenante des résultats, je veux dire... Ça fait partie de l'élaboration des données de l'étude. Oui, vous vouliez. Oui. Robin Foote, sociologue au LAT. Oui. Un peu un lien entre les deux exposés. Annie nous a parlé des stratégies plutôt que paradigmes, des stratégies de mise en doute, création d'incertitude. Je pense qu'on lui parle de Proctor sur le Golden Holocaust. Je dis ça à fond. Et bizarrement, on est sur une démonstration. Alors, j'étais très intéressé par ce que vous disiez sur Atlanta, par un centre qui dit que l'épidémiologie, probablement, est la dernière discipline pour établir une causalité, même si elle peut faire des corrélations. Établir des corrélations, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est long, etc. Et tout le débat se base sur une tentative d'instituer l'épidémiologie comme la discipline souveraine pour rétablir la démonstration. Et là, je suis un peu troublé, parce que je me dis, si on s'acharne là-dessus, alors qu'il y a un autre fil qu'Annie a développé tout à l'heure, simplement de dire une molécule a des effets mutagènes, et donc, sauf preuve du contraire, il y a des effets mutagènes sur les hommes, et donc il faut établir des principes de précaution, en même temps que dans la reconnaissance des maladies professionnelles, on n'a pas besoin d'établir un lien de causalité, simplement de montrer qu'une situation de travail peut induire une pathologie reconnue dans un tableau. Enfin, pour élaborer le tableau. Oui, mais je parle des situations cadrées avec des tableaux. Oui, déjà fait. Et le tableau, il n'a pas été fait sur... Je discute pas l'élaboration des tableaux. Je dis simplement pour les systèmes de démonstration, il y a l'aspect... En médecine, le cas clinique à opposer au test de masse. Et il y a une vérité du cas clinique, de la monographie, qui est une vérité absolue. Si une pomme se met à remonter de la tête de Newton sur le pommier, il y a une invalidation, même si elle est locale, de la loi de la gravitation universelle. Et ça pose un problème général. On n'a pas besoin d'une démonstration statistique. Un fait peut être suffisant pour établir. Je me demande si, dans les stratégies qui sont adoptées, de prendre l'épidémiologie comme la discipline souveraine des démonstrations, est-ce qu'on ne se met pas des verges pour se faire battre, alors que d'autres stratégies, droit de retrait, principe de précaution, charge de la preuve, pourraient être mobilisées probablement. Ça n'invalide pas l'autre démarche, mais l'autre démarche, on voit bien qu'elle est sujette à... complexité d'élaboration, de temporalité. Il faut 15 ans pour établir minimum une corrélation épidémiologique, alors que du point de vue des salariés en situation, 15 ans, c'est trop. Je voudrais ajouter par rapport à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, et c'est, je dirais, ce qui est à l'origine de Rich. C'est-à-dire que Rich s'appuie sur le principe qu'il y a un renversement de la charge de la preuve, que la preuve n'est plus dans le champ des victimes, mais la preuve est dans le champ des industriels qui devraient faire la preuve de l'innocuité de leurs produits avant de le mettre sur le marché. Alors, à l'évidence, les industriels traînent des pieds et il faudra s'entendre rien que pour les molécules qui sont sur le marché déjà. Mais là, c'est vrai que le raisonnement, il est bien sur le fait que, enfin, on revient à l'interdit fondamental, qui est l'interdit de tuer, l'interdit de provoquer des blessures et l'interdit de mettre autrui en danger. Et quand on a une molécule mutagène, on met autrui en danger. Oui, oui, deux, trois remarques par rapport à cela. Pour repartir de ce que vous dites, moi je constate simplement que les situations dans lesquelles on est en appel à l'épidémiologie. Hein. Cela dit, derrière ce que vous dites sur cas cliniques et tests de masse, nous renvoie depuis le 19e à, c'est le débat entre le docteur Louis et le docteur Double, hein, dont Desrosières parle, sur le cas clinique par rapport à la régularité, c'était sur toute la méthode. Donc c'est vraiment un débat qui traverse. Là où l'épidémiologie descriptive a gagné ses galons, alors on l'évoque par exemple un peu, c'est Ciccolella qui l'évoque en parlant de, en particulier quelqu'un, j'oserais pas dire sur qui, mais avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans un des cas, en le présentant comme un Snow des temps modernes, hein. John Snow, celui qui va fermer une pompe et puis pour arrêter le choléra à Londres. Ce qu'il y a effectivement dans un cas comme le cas du choléra à Londres, où à partir d'observations, il va réussir à arrêter, à contrôler l'épidémie en fermant une fontaine, on est sur une temporalité très courte là. C'est ça qui est en termes d'observation important, là où dans les expositions, on est sur des temporalités beaucoup plus longues. Alors ce que vous dites, Annie, par rapport à si la preuve effectivement riche dans le champ des industriels, pas des victimes, c'est le tournant que vous avez évoqué sur la loi sur les assurances à la fin du 19e, hein, c'est Val de l'a en particulier montré, c'est que jusqu'alors, comme on était dans des contrats de louage de service, lorsqu'il y avait un accident du travail, c'était la personne, l'ouvrier, qui était responsable. Et donc il y a eu, avec une redéfinition des responsabilités, une collectivisation du risque, et on est sur des enjeux de ce type dont vous avez par ailleurs dit qu'effectivement leur traduction pratique pose de nombreux problèmes. Alors sur la posture de l'épidémiologie, qui est effectivement la concertation, et le cas de Vincennes est tout à fait intéressant parce qu'il y a eu une concertation, mais en même temps, quand on reprend ce que dit c'est Véronique Lapidès, elle est très déçue en disant, avec l'impression de s'être fait manipuler d'une certaine façon. Et donc je dirais, je suis pas sur la logique de concertation, c'est raisonnons peut-être en logique d'association, ce qui pose d'autres problèmes. Ce qui pose d'autres problèmes, c'est-à-dire aussi que les acteurs locaux soient partie prenante d'une équipe qui va produire des données. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, à la fois sur le métier d'épidémiologiste, sur la validité, sur la preuve, un certain nombre de questions qui sont des questions structurantes de l'activité. Mais si l'on reste effectivement avec ce constat du CDC en disant « de toute façon, globalement, on ne peut rien montrer », c'est de passer sur un autre type de connaissance qui n'exclut pas ce que l'un et l'autre vous disiez. Oui. Oui, Pascal Antoine, Bissonnière, c'était assez intéressant. Alors, juste sur Vincennes, il se trouve que moi j'étais membre du conseil scientifique autour de Vincennes, au même titre qu'Henri Pesera, avant qu'il démissionne, il a démissionné. C'est vrai que c'était, comment dirais-je, c'est très particulier Vincennes, parce qu'en fait c'était donc une déclaration d'un agrégat de cancer pédiatrique, trois enfants, quatre enfants, sur une école maternelle construite sur un ancien site industriel appartenant à Kodak, qui avait été par ailleurs dépollué. Non, il n'avait pas été dépollué. C'est le, tout, le débat, tout le débat portait là-dessus. Sevran a été dépollué. Mais tout le débat portait Kodak, effectivement Kodak là-dessus. Kodak Vincennes n'a jamais été dépollué. Faudra que je pense à passer chez Kodak pour toucher la réanimation. Il n'a pas été dépollué. Il a été en partie dépollué. Il restait des pollutions résiduelles. Alors c'est vrai. Bon, après, on peut parler effectivement de l'efficacité des traitements. Il reste toujours des polluants. Mais en tout cas, c'est un site qui avait été banalisé et qui avait bénéficié d'un permis de recollement et donc qui avait eu donc, des bâtiments. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première investigation d'agrégat qui avait conclu qu'on ne trouvait pas. En dehors de la particularité de l'historique de ce site, on ne trouvait pas d'explication particulière qui pouvait expliquer cette conclusion épidémiologique a été récusée d'une certaine manière, ou en tout cas, on a souhaité, les autorités publiques, compte tenu du fait qu'au plan social, il n'y avait pas de satisfaction de cette réponse, que des investigations complémentaires soient faites. Il y a eu donc une très grosse machinerie qui a été mise en place. Un conseil scientifique qui a regroupé une quinzaine de personnes, qui s'est réuni peut-être plus de 15 fois, à côté un comité de concertation avec la présence du Vigilance Franklin, donc des associations locales, etc. Il y a eu énormément d'investigations. Cette affaire a duré plusieurs années. L'entreprise Kodak a été mise à contribution, pour le coup, pour faire des investigations sur réalité préfectorale. Mais il y a eu beaucoup de deniers publics qui ont été mis sur la table. Et malheureusement, ou heureusement, dirais-je, pour finalement trouver qu'il restait une pollution résiduelle dans une nappe, mais qui ne se traduisait pas par une exposition dans l'air de cette école, et qu'après des années de travaux scientifiques et de métrologie et de mesures dans l'environnement, eh bien, on ne pouvait pas expliquer par une cause environnementale cet excès de cas. De cancer chez les enfants, et je dois dire, c'était des cancers différents, etc. Mais ça pose aussi, je me permets de faire cette petite retour historique pour dire que Madame Lavillesse n'était pas contente, elle s'est sentie manipulée, mais pourtant, sur ce regroupement de quatre cancers pédiatriques, il y a eu des efforts considérables, des investigations qui ont été faites, qui ont montré plutôt quelque chose. On ne pouvait pas expliquer par des causes environnementales, donc il n'y avait pas eu d'une certaine manière de faute, ou de on peut pas l'expliquer, peut-être qu'il y a une cause probable, mais qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, son insatisfaction, finalement, moi-même, je ne la comprends pas tellement, parce que, comment dirais-je, un protocole de surveillance de l'air a été mis en place parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais si jamais la pollution s'évapore et atteint les locaux. Comme ça, on va pouvoir détecter rapidement une exposition qui n'avait pas eu lieu, mais qui pourrait se régénérer, ce qui n'a toujours pas eu lieu. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça pose deux problèmes, à mon sens. Et j'essaie d'élargir. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction de la population locale, quand bien même des investigations extrêmement poussées ont été mises en œuvre. Et puis, ça pose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour. Donc, ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième question, ça pose aussi quand même la question de l'utilisation des données publiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur les regroupements de quelques cas pédiatriques, et je suis père de famille, je suis médecin, je suis citoyen, je suis ému aussi par ces cas de maladie, mais ma foi, si on pose 50 millions d'euros sur chaque, eh ben on va pas pour. Ça pose quand même la question de la rationalité de la dépense publique, ou même de la des efforts qui sont produits, de l'allocation de ressources en santé publique, et c'est pas une mince question que de dire, ben, est-ce qu'il faut mettre. Voilà, c'est deux termes peut-être. Un mot et puis voilà. Et puis ce que j'aurais dû dire en évoquant le cas de Madame Lapidès, ce qui est extrêmement intéressant, Madame Lapidès, c'est une personne qui est devenue un peu experte citoyenne sur un certain nombre de ces questions par la suite. Ce qui était assez remarquable dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui a le numéro sur les cancers pédiatriques à Vincennes, c'est pour eux, ou Drucker, qui était le directeur de l'INVS à l'époque. Ça a commencé, c'était Drucker. Et après, c'est Drucker. Donc, et ce qui était remarquable, c'était que d'un côté, on avait quelqu'un qui était très insatisfait, et dans l'éditorial, Drucker le présentait comme une démarche exemplaire d'association. C'est ça qui est intéressant, et c'est effectivement mon propos. Alors, l'insatisfaction locale, elle existe, et elle existera dans la mesure où ce que les gens attendent localement, c'est qu'on valide les intuitions ou la construction qu'ils ont faite de la réalité. Donc, et qu'elles trouvent... Il n'y a pas simplement que ça, mais il y a cette dimension-là, c'est-à-dire trouver un certain nombre d'explications. D'autre part, la question de la dépollution, c'est effectivement une question sur... comme il n'y a pas eu de réponse là-dessus, sur ce qui restait. Effectivement, il y a une insatisfaction qu'on va retrouver également à Saint-Cyr-l'École, qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres cas, ou alors après, à la force de la routine. Alors, ça, c'est un peu, je dirais, l'insatisfaction me paraît être consubstantielle à ce type de situation. C'est ce qu'on a retrouvé aussi ce matin dans la discussion. Ce que j'ai entendu, c'est également des éléments de ce type. Alors, là, l'autre question que vous posez, elle est importante. C'est, on n'a pas, je ne sais pas, l'évaluation pour Vincennes, mais on avait cité ce matin, j'ai retenu un chiffre, entre 600 et 800 000 euros. Non, ben c'est ça, ce qui est énorme. C'est 10 fois plus. La question de la dépense publique, elle est importante. Donc, c'est est-ce que là où, effectivement, est-ce que c'est ce type d'étude qui doit être faite? Moi, je pense que je dirais, nous, sociologues, on a une chance, on ne coûte pas très cher. Mais il y a une dimension. Généralement. Il y a certains, certes, mais eux, ils sont médiatiques. Quand on parle effectivement d'associations, quand on parle de dispositifs qui sont des dispositifs d'associations beaucoup plus... ils sont plus légers là-dessus pour identifier un certain nombre identifier la nature des problèmes, on n'est pas dans cet ordre de grandeur. Et on est sans doute, me semble-t-il, sur des formes de dépenses publiques qui sont plus raisonnables entre guillemets au regard effectivement de la charge. C'est-à-dire que globalement, il y a une partie qui a été payée par Kodak effectivement, globalement on s'attendait sans doute pas à trouver grand chose. Voilà, le problème il est là. C'est aussi positif, sauf erreur de ma part, c'est à l'issue de grâce à Vincennes, que le registre des finances publiques de l'enfant a été mis en place par Jacqueline Carrel. Oui. Il était avant. Il était un peu avant, semble-t-il. Elle était dans le comité scientifique. À l'heure qu'il est, ne me semble pas vraiment raisonnable. Je voudrais quand même juste souligner deux choses je pense qu'il nous manquait un peu les intervenants. Enfin, c'est d'ailleurs, je pense, un des points que j'avais là, pas en conclusion, mais en questionnement final. C'est première un peu question, c'est pourquoi est-ce que, en effet, on s'est lancé vers une étude épidémiologique de ce type-là. C'est-à-dire, est-ce que dans le cas, enfin, je reviens sur le cas d'Alice, est-ce qu'on n'aurait pas dû solliciter d'autres types d'outils, mobiliser d'autres types d'enquêtes, se donner une autre temporalité, etc. Ce qui renvoie, en fait, à un grand absent de cette journée, mais alors je ne sais pas, c'est un peu de notre faute sans doute, parce qu'on ne les a pas sollicités, mais sans doute qu'ils ne seraient pas venus, mais c'est un peu la question de la saisine qu'on a soulevée à un moment, c'est-à-dire, est-ce que la DGS, la DGT avait besoin d'une expertise de l'INVS à ce moment-là pour prendre les décisions nécessaires. Enfin, est-ce que voilà, il y a une première question sur est-ce que vraiment on avait besoin de ces 10 ans de recherche. Enfin, est-ce que l'État, les organisations compétentes, les autorités compétentes avaient besoin de cette expertise? Première question. Et puis après, je pense qu'il y a une deuxième question. Alors. Qui est, je pense, sous-jacente à tous les débats, mais je pense qu'il y a une vraie question sur, alors qu'on pourrait formuler en termes de capacité d'appropriation. C'est-à-dire que les capacités d'appropriation d'une étude épidémiologique sont très inégalement distribuées socialement. et que, en effet, on l'a vu sur la direction de l'entreprise, a des capacités à s'approprier une étude assez longue, complexe, etc., à utiliser les doutes qui sont mis en évidence, les doutes qui sont légitimes dans l'espace scientifique, mais qui, rapatriés dans le domaine de la décision, etc., posent une série de problèmes. Et au contraire, pour les acteurs syndicaux, on l'a vu, c'est des choses qui sont plus difficiles à mettre en avant, à mobiliser dans le cadre d'une lutte sociale, ou en effet, sur les questions de santé au travail, un peu aussi sur les questions d'environnement, mais en tout cas sur les questions de santé au travail de façon très brute, on est dans du conflictuel, dans le fait qu'il n'y a pas enfin c'est du conflit, quoi. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de mauvaise solution, c'est des employeurs qui défendent leurs opinions contre des représentants des salariés qui défendent un autre point de vue, avec des ressources qui ne sont pas du tout les mêmes, avec des financières, en termes de compétences à mobiliser, etc. Donc, voilà, je pense que voilà, ça fait partie des questions qu'on doit continuer à soulever dans le cadre de ce séminaire. Et peut-être qu'il faut qu'on voit un moment pour faire entrer justement des acteurs qui interviennent, enfin dont on parle beaucoup, mais qui interviennent peut-être insuffisamment dans ce séminaire. Donc merci à tous d'avoir accepté ou de participer ou d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. Et on se donne rendez-vous donc le 12 décembre, vendredi 12 décembre, pour une séance autour, alors, qui est un peu différente, mais un peu qui aura des points similaires sur justement le statut des connaissances issues de la mobilisation et un petit peu comment est-ce que on construit comment est-ce que des connaissances se stabilisent dans le cadre d'une mobilisation. Et on aura lors de cette séance l'intervention de Barbara Allen, qui est une chercheuse nord-américaine, donc qui sera là dans cette période, et qui fait une comparaison sur des mobilisations, alors pas seulement sur des mobilisations de santé au travail, mais aussi de santé environnementale, et qui fait une comparaison entre ce qui s'est passé en Louisiane, ce qui se passe dans une région derrière Venise, et un travail qu'elle a effectué depuis quelques années maintenant autour de l'étang de Berre, la zone de chaux et l'étang de Berre. Donc rendez-vous le 12 décembre. Merci à tous.